T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. WERS Boston. KLSU. Du nord au sud, est en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, commence maintenant. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Planète Indie. Nous sommes le samedi 1er octobre, bah oui, nous voilà déjà au mois d'octobre, ça passe vite. 1er octobre, 17h, nous sommes ensemble jusqu'à 18h30 pour 90 minutes. Une heure et demie donc de musique indépendante, de musique alternative, rien que pour vous. Et comme chaque mois, eh bien, on aura pas mal de nouveautés à vous proposer. On écoutera les Rifters, on écoutera Stephanie Fedra, on écoutera Shake Russell. Et puis notre powerplay, je vous l'avais annoncé le mois dernier, ce sera le nouvel album, la première coopération entre Tony McLaughlin et Marlon Klein, un album qui s'intitule Where is Jack? Where is Jack? Très bonne question, on va essayer d'y répondre au cours eh bien, des 90 minutes qui viennent. Pour l'heure, on va commencer avec les Mojo Slide, The Sky is Falling In. Bah, The Sky is Falling In, pour l'instant, ça va, hein. Le temps a l'air de se maintenir. Il y a eu un peu de pluie ce matin, mais là, il a l'air de faire pas trop mal et on annonce du bon temps pour la semaine prochaine, donc pourvu que ça dure. Donc les Mojo Slide avec The Sky is Falling In, et puis après, ce sera les King King, un groupe que vous commencez à connaître si vous nous êtes fidèles, puisque ce n'est pas la première fois qu'on les écoute. Et puis ils sont venus aussi au mois de début juillet au Blues Express, donc vous avez peut-être eu l'occasion de les voir en live. Nous on va les écouter avec le morceau Hurricane. Allez, je laisse tout de suite la place à la musique parce qu'on a pas mal de dossiers aussi en plus de cela. En plus de la musique, on a quelques dossiers à aborder aujourd'hui, donc je me tais, je laisse la place au Mojo Slide. The Sky is Falling In. Tell them all the same. The sky is falling in. The you and you're to blame. You hit me hard like a hurricane. You left me out in the rain. You're just the kind I was looking for. You had it all, but you still want more. You got to find a way to keep it alive. Voilà, c'était une tête d'affiche du Blues Express 2016, les Anglais de King King, on les écoutait avec Hurricane. Si vous les aimez, eh bien restez avec nous, on les écoutera encore au cours d'une prochaine émission. Pas aujourd'hui malheureusement, parce que c'est pas eux qui sont notre powerplay. Je vous rappelle qu'aujourd'hui on écoutera Tony McLaughlin avec Marlon Klein, avec un album intitulé Where is Jack, mais pour King King ce sera... Eh bien, pour une prochaine fois, avant d'arriver sur cet album Where is Jack, je vous propose d'écouter encore des guitares qui pulsent pas mal, les Passing Sirens avec le morceau Eyes, mais avant cela, les Nightbirds, les oiseaux de nuit, avec Merry Go Round. Ils arrivent, ne tracassez pas, ils nous ont promis qu'ils venaient. To me. Yeah. Voilà, à l'instant, ça c'était le groupe Passing Sirens avec Eyes, et avant cela les Nightbirds, Merry Go Round. Vous avez peut-être remarqué qu'on a eu une petite invasion. Bah oui, il faut croire qu'il y a un des morceaux des Beatles qui était resté planqué là quelque part dans le système. Bon, bah c'est pas grave. Le temps que je m'en rende compte, ouais, c'est passé. Bon, c'est pas grave. On continue avec Frederick Rison. Rising, le morceau Isolation, et puis après cela, on commencera la découverte de notre powerplay. Je vous rappelle l'album de Tony McLaughlin et Marlon Klein, un album qui s'intitule Where is Jack? Fucking fortune shifting ways. I want to break out here someday, being free on my way. Isolation, isolation. Isolation, isolation. First attempt, not so smart, taking risks, doing hard. They told me, please, just take food. If you move, we will shoot. I backed it down for a while, had a thought, showed a smile. I had a plan for something new, something small, it just grew. Isolation, isolation, isolation. I want to know if I'm an inmate, showing just balls when I am fighting. Just kill the fellow human being, just thrown in isolation, fuck that. I never out, I'm always in. I could never, never win. So hold me down when you just do. Just be wise, don't be cruel. Isolation, isolation. Isolation, isolation. Isolation, Frederick Rising. On va passer donc à notre album Powerplay, un album du duo Tony McLaughlin et Marlon Klein, un album intitulé Where is Jack? Bah maintenant je pense que vous l'avez compris, hein. Alors, cet album est né de la collaboration entre ces deux artistes qui, quelque part, dans le cours normal des choses, n'auraient jamais dû se rencontrer. À ma droite, vous avez donc le chanteur et guitariste Tony McLaughlin, qui est originaire du nord de l'Irlande, avec un environnement et un passé plutôt celtique, et la probabilité d'avoir aussi du sang viking dans les veines, comme il le dit lui-même. D'ailleurs, son nom veut dire en gaélique « fils des eaux profondes ». Et à ma gauche, alors on quitte l'Irlande, on revient sur le continent, Marlon Klein, qui est originaire de Hereford, en Westphalie orientale, donc... C'est en Allemagne. Il est un musicien assez connu puisqu'il a joué normalement, notamment en fin des années 70 avec le groupe légendaire le Real X Band. Et puis après cela, il a joué avec le groupe Dissidenten from Berlin, un groupe qui a joué un rôle de pionnier dans l'émergence de la musique la world music. La liste des artistes et des musiciens avec qui Marlon Klein a collaboré, eh bien, elle est assez longue et elle inclut notamment Stéphane Escher, bah oui, on connaît un peu mieux par ici. Il y a aussi Trilogue Gurtu, Jasper Van Het Hoff, donc le groupe Pili Pili, pardon, de Jasper Van Het Hoff, Angelique Kidjo ou aussi Gary Wright. Gary Wright, d'ailleurs, sur l'album auquel Marlon Klein a collaboré, il n'y avait pas que lui qui était sur la liste et sur les crédits, puisqu'il y avait aussi un certain George Harrison. Donc un petit clin d'œil aussi à l'émission Beatles qu'on vient d'entendre, que vous venez d'entendre aussi. Je vous propose d'écouter un premier extrait de cet album intitulé Where is Jack, l'album donc une collaboration entre un artiste irlandais et un artiste allemand, et surprise, ils aiment bien les voyages, ils nous font voyager puisqu'ils nous emmènent en Espagne. Le premier morceau s'intitule Spanish Books. Bah oui, ça ne s'invente pas. Je vous ai mis aussi sur la page Facebook de Planet Indie une petite vidéo de présentation de notre duo mis à l'honneur aujourd'hui. Allez, je me tais, on les écoute avec le morceau Spanish Books. Power play. Power play. Strange things. They tied a man on a mattress in the middle of the town, face down in the river, let him sink. Well, the laws of God, the laws of man seem to twist and turn and mystify. They tied a man on a mattress in the middle of the town, face down in the river, let him die. On our way from the disco, the firebomb blew. Two young rebels, they could not run. Well, the Black Watch held us back as the flames leaped high. They let those fingers burn. Got more than most men, I got my eyes on the road. And I got some people I can call my friends. I got my Spanish boots for running. I got my Spanish boots for running. I got my Spanish boots for running. Running round. Well, I come from the land of the rising moon, where the warrior kings came before. This time round it was no Celtic dream, just another kind of dirty war. The laws of God and the laws of man seem to twist and turn and mystify. But if you're satisfied or a victim, there comes a time you're gonna sit down and ask yourself why. You hate mine and I hate yours. We're traveling now down this glory road of peace and love. Everybody wanna hear us sing. I got more than most men. I got my eyes on the road. I got some people I can call my friends. And I got my Spanish boots for running. I got my Spanish boots for running. Pieces everything. In the end there's no difference, we're all the same. These wasted words are just drifting in the wind. Got my Spanish boots for running. Got my Spanish boots for running. I got my Spanish boots for running. Running round. So surprised when they find out I'm alive in here? Won't they be surprised when they find out I'm alive in here? They left me for dead and just figured I would somehow disappear. Won't they be surprised when they find out I'm not what they thought? Won't they be surprised when they find out I'm not what they thought? They wrapped me up in grave clothes, won't they freak out when I start to take them off? I'm a voice in a cage, I am an ox in a muzzle, treading out the grain. I'm imprisoned, blind, I've been thwarted and stifled, but I'm biding my time till that day when you hear me coming out with the roar saying, I just won't take it anymore. Won't they be surprised on that day when hidden things are revealed? Won't they be surprised on that day when hidden things are revealed? Every window, every door flies open and we see what's been concealed. Won't they be surprised when they see me breaking down that door? And I just don't wanna live here anymore. I'm a voice in a cage, I am an ox in a muzzle, treading out the grain. I'm in prison, blind, I've been thwarted and stifled, but I'm biding my time till that day when you hear me coming out with the roar saying, I just won't take it anymore. Dead and just figure I would somehow disappear. À l'instant dans les oreilles, Jessamine Raines, Won't They Be Surprised, et avant cela une nouveauté, musique du samedi soir, hein, comme on peut l'appeler, Stephanie Fedra avec Never Let Me Go. Si vous êtes abonné à notre page Facebook, vous avez certainement pu remarquer que il y a une dizaine de jours, je vous ai mis une petite annonce concernant le British and Irish, Irish Film Season. C'est le festival du film anglais et irlandais qui se tient pour l'instant à Luxembourg entre le Ciné Utopia et la Cinémathèque. La dernière projection, c'est ce soir. Donc, j'ai même entendu dire qu'ils avaient, comme ils croulaient sous les demandes, ils ont pu avoir une plus grande salle pour la projection de ce soir. Donc ce soir à 19h, vous aurez l'occasion de voir le film Sing Street. Ça se passe au Ciné Utopia. Et contrairement à ce qui est indiqué sur le site internet, ce ne sera plus en salle 2, mais en salle 1. Et puis vous aurez aussi la cérémonie de clôture du festival. Et mon petit doigt me dit qu'il y aura peut-être un petit drink qui est prévu après. Donc si vous avez l'occasion et que vous n'avez rien de prévu ce soir, n'hésitez pas à vous rendre à l'Utopia pour aller voir le film Sing Street dans le cadre du British and Irish Film Season édition 2016. Le lien est aussi sur notre page Facebook. On poursuit dans notre vague Female Power, ou les femmes au pouvoir, puisque on reste dans les voies féminines avec une nouveauté. On descend dans la Méditerranée du côté de Chypre, et c'est une autre nouveauté qu'on est très fiers de vous proposer. Elle s'appelle Arda, elle est accompagnée avec le groupe Stolen Moon, et elle nous interprète un morceau qui s'intitule You're Not You Lately, tu n'es plus vraiment toi-même ces derniers temps. Et puis après cela, on écoutera Sari Shore. Alors ça, c'est la nouvelle bombe du monde blues rock, Sari Shore avec Damn the Reason. Mm-hmm. Don't you worry, we'll write a new story, make you into a star. I tried to get you out of the rain. Seems to me you like getting wet. Now I am thinking, what else can I do? You like feeling blue. Ooh, baby, you're not you lately. Why, oh why? Don't you worry, we'll write a new story, make you into a star. Things can always, always go your way. You gotta take a somehow one day you'll get where you're going. Just fly to the sky. And then you say to me, it's not that easy. Everything's much harder than it seems. Well, let me tell you a little secret. What matters is the journey to your dreams. Ooh, baby, you're not you lately. Why, oh why? Don't you worry, we'll write a new story, make you into a star. Things can't always, always go your way. You gotta take a ride, but somehow one day you'll get where you're going. Just fly to the sky. What can I do? What can I do? What can I do? What can I do? What can I do? What can I do? What can I do? You can't stop feeling. Stop feeling blue. What can I do? on l'adore dans Planète Indie. Elle s'appelle Sari Shore. C'est la nouvelle bombe blues rock. Son album s'appelle Force of Nature. Et on écoutait Damn the Reason. Il y a une chance sur deux d'ailleurs qu'elle soit notre powerplay au cours de la prochaine émission. Ce sera elle ou ce sera King King. Comme ça, vous savez tout. Et pour être tout à fait complet, son album est sorti sur le label Manhattan Records. Et puis en parlant de powerplay, je vous propose de retourner sur notre powerplay d'aujourd'hui. Il s'agit de l'album Where is Jack du duo Tony McLaughlin et Marlon Klein. Je vous avais dit tout à l'heure en commençant la présentation que c'était l'histoire d'une rencontre un peu improbable puisque Tony McLaughlin il est irlandais, mais il a un ami qui s'appelle Tom Hughes et qui a produit son premier album Cinérama en 2000, donc Tom Hughes qui est originaire de la Forêt-Noire en Allemagne, et c'est là que se fait la connexion de notre ami Tony avec l'Allemagne. Ça se passait en l'an 2000. En 2002, il a enregistré un nouvel album qui s'intitule Glory Band, de nouveau enregistré en Allemagne. Et puis en 2006, il voyage vers Nashville, puisque Nashville, c'est un peu le berceau de la musique americana. C'est une musique faite de rock, de country, de blues, de folk, et c'est un peu ce mélange-là que lui fait aussi. Et il va y enregistrer son troisième album, toujours produit par son vieil ami Tom Hughes, qui désormais réside à Nashville. L'album s'intitule Tall Black Horse. Ensuite, Tony et Marlon Klein ils vont se rencontrer à travers une connaissance commune. Ça, je vous ai vous expliqué tout à l'heure comment. Je vais vous expliquer un peu plus tard, donc tout à l'heure, comment et où cela s'est passé. Bah, j'en perds mes mots. Hein, je suis un peu voilà. Je vous propose donc d'écouter un second extrait. L'album, je vous rappelle, s'intitule Where Is Jack. Le morceau qu'on va écouter est un peu différent du premier. Le premier nous invitait à mettre nos bottines espagnoles. C'était les Spanish Boots. Là, on va écouter le morceau intitulé Heart of Darkness. C'est l'extrait de notre powerplay. Je vous le dis plus, vous le savez. Et vous avez toutes les informations pour les retrouver sur notre page Facebook. Allez, on les écoute avec Heart of Darkness. Powerplay. Powerplay. I took 300 lashes from a Rhino High Bowler. I'm here to tell the tale. I followed that bastard to the shores of Lake Albert. They cut out his heart, they put me in jail. After 39 days, I bust out of that hole. They cheated on the hangman from the Congo River Basin to the Blue Blue Nile. They race the trail of death and mayhem. Surrender in the heart of darkness, bloody, disabled, disarmed, resurrection man. That's who I am, resurrection man. That's who I am. I'm a black-hearted villain on the opium trail. Misery follows my name. Blood flow down the Ganges, there's a butchered and maimed. On the highway familiar, we loaded the ships on the banks of the Bengal. Legalized drug warlords fought the Chinese Empire. To his knees, and mercenaries for the queen. Surrendering the heart of darkness, bloody, disabled, disarmed, a resurrection man. That's who I am, resurrection man. That's who I am. We'll be right back. and I'll die by the sword. Murder, mutiny, and mayhem. Under the cry, seeds burn and destroy. We are killers, liars, cheats, and madmen. I carry many flags, use any and all deception. A pirate and a privateer. The emissary of pity when you're down on your knees. I am a judge when you plead for mercy. A self-appointed despot, a warrior messiah, wreaking havoc around the world. Resurrection man, that's who I am. Resurrection man, that's who I am. Listening to Planet Indie. Hi, my name is Monica Jalili, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Mike from A is for Adam, and you're listening to Planet Indie. You never dreamt that things could get any better. Our life was good, I got it together. You smoked and slept and stayed in your room. Had on your pillow, asleep till noon. It came as some surprise, as Icarus I saw you rise. But heaven gave you wings that never burn. But you could be high. I wrote you a letter, but where to address it? You found your wings, and then you flew to greater things you always knew. It came as some surprise, as Icarus I saw you rise. But heaven gave you wings that never burn. First you get in it, in endless seas, you've had your care. Voilà, c'est un autre groupe qu'on n'a encore jamais écouté dans cette émission. Le groupe s'appelle les One Girls. C'est un groupe de punk rock. Bon, ça ne s'entend pas spécialement sur ce morceau. Un morceau qui s'intitule Goodbye. Avant cela, c'était le Sea of Flowers avec le morceau Icarus. Je vous avais parlé le mois dernier. On avait écouté Delvox en nouveauté. Ils sont en tournée dans la région. Enfin, quand je dis dans la région, c'est essentiellement en Belgique, aux Pays-Bas et un peu en Allemagne. Et je leur ai promis de donner les dates de leur concert. Donc ce soir, ils seront à Tamise, à Thames, en Belgique, au Tapereik de Brugge. Demain, ils seront aux Pays-Bas, à Ossenis, au café ou à la salle Skalmaai. Le 6 octobre, ils seront à Anvers, à la salle AMI. Le 7, ils seront à Linnikofferen, en Allemagne, au Macmullers. Le 8, ils seront à Norderstedt, de nouveau en Allemagne, au Musikstar. Le 9, à Berlin, au Bassi Club. Et enfin, le 13, au Hafen 2 de Offenbach. Et puis, en ce qui concerne la programmation de la Rocale, quelques dates à vous signaler. Aujourd'hui, eh bien, ce sera Bryan Adams, c'est sold out. Le 2, Moderate. Le 7, le Australian Pink Floyd Show pour leur petit show annuel, puisqu'ils viennent tous les ans. Le 8, c'est le festival Music for Good, dont les bénéfices seront reversés, si je ne m'abuse, à MSF Luxembourg, donc n'hésitez pas. Le 13, Laura Pozzini, le 14, Zucchero, c'est eh bien, les deux jours italiens. Le 18, les Dead Kennedys, ainsi que PJ Harvey. Le 21, vous pourrez voir Ben Harper. Le 24, Catatonia. Le 26, Fifth Harmony. Quoi d'autre? Le 29, ce sera Yolanda Charles. Le 30, le Cinematic Orchestra. Le 1er, ce sera Fakir ou Billy Talent, puisque vous avez les deux concerts. 2 novembre, Taylor Davis. Et le 4, Trio. Voilà, on était un peu rapidement, mais on n'est pas spécialement en avance. Et on a encore un gros dossier à vous présenter d'ici la fin de cette émission. Donc on poursuit avec la musique, avec Shake Russell, encore une autre nouveauté qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'entendre, et un morceau qui s'intitule Pure. Un style un peu différent, comme vous pouvez le voir, enfin l'entendre plutôt. So pure, so naturally, for sure, yeah, absolutely. It's true, it's you, makes it all sweet. So pure, your love you give to me. Pure the heart that's full of love, bright as the song of a morning dove. Sure as gold, you can see it shine. Pure heart is a precious kind. As the beauty of the diamond sky, the earth, the moon, and the oceans wide. Pure as the water from mountain spring, promise of a wedding ring. So pure, as pure as can be. For sure, absolutely. It's true, it's you who makes it all sweet. So pure, your love you give to me. Faith, hope, and charity, peace, love, and harmony. These are the ways of the ties that bind my heart to yours and yours to mine. So pure, pure as can be. Hold you close to me. It's genuine, uncompromised. That little sparkle there in your eyes are the ways of the ties that bind my heart to yours and yours to mine. So pure, so naturally, for sure, absolutely, it's true, it's you what makes it all sweet. So pure, your love you give to me. Yeah, so pure, your love you give to me. Voilà, c'était Shake Russell avec Pure. Le morceau qu'on entend en fond musical, c'est le groupe Talons of Spring avec donc un morceau qui s'intitule Continuum. Bon, il fait plus de 7 minutes 40, donc je n'ai aucun scrupule à, j'allais dire, à saccager un peu l'introduction, puisque je voudrais vous parler aussi d'un autre gros dossier qu'on va développer maintenant. Il s'agit du festival Ciné East, donc. C'est la 9e édition du Festival du film d'Europe centrale et orientale, donc qui se tient tous les ans à Luxembourg. Cette année, ça se passe entre le 6 et le 23 octobre, donc il y a pratiquement 3 semaines, un peu moins de 3 semaines de programmation, avec plusieurs films tous les soirs. On va pas repasser tout en revue, parce qu'il y a beaucoup de trop. Vous pouvez aller sur leur site internet, c'est www.cineist.lu. Je tiens à souligner quelques dates pour vous. Le jeudi 6 octobre, c'est l'ouverture officielle. Et puis il y a aussi une exposition photo Away from Home, donc c'est sur le thème bien d'actualité des migrations. Samedi 8 octobre, festival du film court d'animation, ça se passe à 19h. À la Cinémathèque, et puis à 20h au Melusina, c'est la Balkan Party avec le groupe Top Orchestra qui vient d'Ukraine, les Molotov Brothers qui sont français et le DJ Balcaliente qui est français aussi. Lundi 10 octobre, c'est le marathon des films courts de fiction des pays du sud, donc ce sera la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie, la Serbie et Béa, ça doit être la Bosnie, j'imagine, je vois que ça. Alors, la fameuse soirée gastronomique se déroulera quant à elle le 11 octobre, c'est toujours à la brasserie Neumünster, vous devez réserver parce que si vous vous pointez là le jour même en espérant avoir de la place, je pense que ça va être un peu râpé. Le 13 octobre, le jeudi, c'est la suite du marathon des films de fiction, des courts-métrages de fiction, mais ça c'est pour les pays du Nord, donc ce sera la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Slovaquie et les Pays-Baltes. Le 13 à 19h au Rotonde, c'est la Eastalgia Party, donc c'est un événement qui fait un peu se base un peu sur la nostalgie de la culture socialiste, du mode de vie et tout ça et ça. Donc il y aura des films, de la musique, de la nourriture et des quiz, et donc une bonne soirée en perspective. Le bar ouvre à 18h, le programme des réjouissances commence à 19h. Samedi 15 octobre, c'est le Kids Show, donc ce sont des films d'animation et des dessins animés sans parole. Ça se passe à 15h. À l'abbaye de Neumünster. Et puis alors, on poursuit. Qu'est-ce que j'avais encore noté pour vous? Oui, il y a toujours le 15 octobre, le samedi 15 octobre, c'est aussi une soirée Oldies Sleepless Nights. C'est de la musique électronique avec le DJ Mozaïka. Ça se passe au Rocade et ça commence à minuit. Quoi d'autre 19h30 le 20 octobre, un jeudi, à Neumünster, c'est le Jazz Ciné Concert avec Pachavel. Si vous vous n'aimez pas ça, vous pouvez aller voir The Lure, qu'on avait eu l'occasion de voir aussi l'an passé dans le cadre du Lux Film Festival. C'est un film polonais. Et puis la soirée de clôture se passera au Sang Klang le samedi 22 octobre avec la fanfare Kouchtar et le DJ Gonzo. Ça commence à 19h, l'ouverture des portes. À 20h, c'est le concert de fanfare Kouchtar et à 22h, le Balkan DJ set avec le DJ Gonzo donc. Les projections se passent entre la Cinémathèque, la Neumünster, le Ciné Utopia, l'ancien cinéma Vianden, le Ciné Kinoschaich sur Alzette. Il y a aussi le Ciné Wasserhaus à Mondorf, le Ciné Kursaal à Rumlange et le Ciné Hermesin de Amersch. Voilà, le pass ça coûte 25€ et chaque ticket individuel 6€. Tout renseignement, cinéeast.lu. Allez, on écoute encore un peu les Talents of Spring avec Continuum et puis après, retour sur notre album Powerplay de Tony McLaughlin et Marlon Klein. I fell through the artificial cracks, the ones in the rear view mirror, and they're all smiling and trying to catch up. Disorder wanted my heart, disorder wanted my heart, but I could give no more. Something so sacred, something so pure, as 25 years crumbled to bits, needed a fix, so I breathed, exhaled, and left it hovering in the eclipse. To bother somebody else, to bother somebody else, this world is real, just like me, just like me. This world is real, just like me, just like me. I fell through the artificial cracks, the ones in the rear view mirror, and they're all smiling and trying to catch up. Disorder wanted my heart, disorder wanted my heart, but I could give no more. Something so sacred, something so pure, as 25 years crumbled to bits, needed a fix, so I breathed, exhaled, and left it hovering in the eclipse. To bother somebody else, to bother somebody else. This world is real, just like me, just like me. This world is real, just like me, just like me. Allez, je vous promets, je les reprogrammerai au cours d'une prochaine émission, désolé pour eux. On est un peu pressé par le temps aujourd'hui, bon je vous rappelle leur nom, c'est le groupe Talons of Spring et le morceau Continuum. Les amis Tony McLaughlin et Marlon Klein se sont rencontrés un peu par hasard avec grâce à une connaissance commune. Et puis ça a mené à leur premier concert assez rapidement d'une session improvisée dans un club à Nuremberg. Et ils se sont tout de suite trouvés l'un l'autre, ils aimaient jouer ensemble. Donc une fois que Tony McLaughlin est reparti, eh bien, ils sont quand même restés en contact. Ils ont continué à partager les idées, l'un en Allemagne, l'autre en Irlande, voire aux États-Unis. Et ils ont commencé petit à petit à développer de la musique qu'ils appellent eux-mêmes du Tribble Rock. Marlon Klein dit d'ailleurs qu'il a toujours été à l'écoute et il a toujours été désireux de travailler avec des talentueux musiciens et des talentueux compositeurs. Et la voix de Tony McLaughlin et ses paroles authentiques se mêlaient très bien avec son amour de la musique native américaine, donc de la musique amérindienne peut-on dire. Il a ainsi passé 6 mois dans une réserve au Canada, la réserve des Six Nations, et c'est ainsi qu'ils ont continué à travailler ensemble. Et puis ils avaient aussi besoin de... Ils ont cherché des camarades pour jouer les morceaux avec eux. C'est ainsi que sont arrivés, les ont rejoints Kwamin, enfin je pense que c'est comme ça qu'il faut, ou Kwamin, je ne sais pas comment on prononce, c'est le fils de Tony. Ensuite ils ont été rejoints par Roman Bunka, c'est un guitariste allemand et un maître dans l'art du luth arabe, donc c'est un instrument un peu particulier. Et ensuite ils ont été finalement rejoint par Ben Reel, un ami de l'Irlande du Nord, donc un ami de Tony McLaughlin, qui les a accompagnés en tournée. On va écouter donc un dernier morceau de cet album. L'album, je vous rappelle, s'intitule Where is Jack? La réponse à cette question, eh bien, elle sera disponible, elle sera révélée sur leur prochain morceau. C'est ce qu'ils disent en tout cas. Le morceau qu'on va écouter s'intitule People. Je vous rappelle, c'était notre Powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Powerplay. Powerplay. The muddy water to the other side. You can't run, you can't hide, you can't cross the muddy water to the other side. You can tell everybody, tell them what you've done. You can ask for mercy, about to give you some. If you see me coming, one of these days, you're a long-term liar. There's a price you gotta pay. They come the midnight rider, you dirty backbiter, you're gonna pay. When the sun goes down in the great north sky, you'll be standing in the shadow, you'll be waiting close by. When the sun goes down in the great north sky, you'll be standing in the shadow, you'll be waiting close by. I'm gonna bide my time, or maybe wait till dawn. You'll be shaking in your boots, you sing another song. And if you see me coming, one of these days, you long-term liar, I'm gonna make you pay. You can't run. You can't hide. You can't cross the muddy water to the other side. But people say, you can't run. You can't hide. You can't cross the muddy water to the other side. like the night turns to dawn. Another year is come and gone. Bon, ça c'est une petite erreur de programmation. On était censé écouter les Rifters avec I Can Live With That, et c'est Shake Russell qui est reparti. Donc on va vous mettre tout de suite les Rifters. Il y a des jours comme ça, hein, c'est assez incroyable. On vous remet tout de suite les Rifters avec I Can Live With That, et puis après on écoutera Michael Tomlinson et Seeds of Love. J'espère qu'on aura le temps, on va se quitter normalement avec Lena Natalia et Fifth Eyes. On n'y est pas encore, mais bon, on y arrive tout doucement. I've done some things right, I've done some things good, others not so much, I'd change it if I could. I've been misquoted, been misunderstood, been misinformed, and I've messed it up good. Yeah, but it's alright, don't matter anyway. Can't live the past, only today. But it's alright, no going back. I can be forgiven, I can live with that. Best work where no one can see, no one even knows but my horse and me. I wonder if cowboys in heaven can see, bet they get a chuckle or three out of me. Yeah, that it's alright, don't matter anyway. Can't live the past, only today. But it's alright, no going back. I can be forgiven, and I can live with that. Ben voilà, on est un peu pris par le temps, il est 18h27, donc on n'a pas le temps d'écouter Michael Tomlinson. Tant pis pour lui, et tant pis pour les Carnival Eros. Bon, on les programmera pour la prochaine émission, c'est promis, parce que on était un peu bousculés, et on avait pas mal de gros dossiers sur le feu aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez apprécié la programmation de cet épisode numéro 377 de Planète Indie. Émission qui sera rediffusée demain dimanche aux mêmes heures, 17h-18h30. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve pour un prochain direct le 5 novembre pour le numéro 378. D'ici là, passez une bonne soirée, un bon week-end. Portez-vous bien et je vous retrouve donc en direct le 5 novembre pour un nouvel épisode de Planète Indie. N'oubliez pas ce soir la séance de clôture du British and Irish Film Season 2016 et puis le festival Ciné East qui commence le 6 octobre. On se quitte avec on reste dans la douceur avec une pianiste, elle s'appelle Lena Natalia, elle nous interprète Fifth Eye. Bonne soirée et à bientôt.